fois. Une prod et c'est la scène de crime, oui, c'est nous les coupables. Non, y'a rien à faire, aussitôt que les coups partent. Ne nous en voulez pas de la manière dont on se comporte. Au rap, c'est pour les nôtres, en fusillant ces quelques notes. Même si j'ai triste mine, celle de mon bic reste redoutable. Laisse-moi un bout de table, j'écris des punchlines de tout part. Ne crois pas qu'on déconne, sur le beat, ouais, ça cogne. Y'en a qui font du commercial, mais nous on fait pas comme RIFA. J'suis ce MC qui contient sa peine, j'commence à peine. Le rap est frais, t'es ma comment s'appelle. Et faut que le blaze les tours. Un peu comme celui d'Oussama, j'y vais pas doucement. Le rap c'est soit ça casse ou ça marche. Toujours, nous apportons le reste, c'est pas important. Si t'es un pote, monte, si t'es une pute, je la boue portant. Si t'es une prod, j'perds pas de temps pour en l'air pouvoir te monter. Non, on a pas de limite, on la démonte en même pas 10 minutes. Je vois que son pouls diminue, je pense qu'elle va pas faire long feu. Mais obligé de la tuer à croire que l'enfer nous veut. C'est le côté prédateur, la prod a été pris de court. Vas-y, prête un œil sur toutes ces phases, retrouvez près du corps. Une prod et c'est la scène de crime, oui, c'est nous les coupables. Non, y'a rien à faire, aussitôt que les coups partent. Ne nous en voulez pas de la manière dont on se comporte. On rappe, c'est pour les nôtres, en fusillant ces quelques notes. Une prod et c'est la scène de crime, oui, c'est nous les coupables. Non, y'a rien à faire, aussitôt que les coups partent. Ne nous en voulez pas de la manière dont on se comporte. On rappe, c'est pour les nôtres, en fusillant ces quelques notes. Je n'irai pas par quatre chemins pour voir si la prod a du charme. Intouchable, si ça vient de moi, c'est pute dans la lucarne. Je vous mets couplé dans le cœur, la feuille une cible pour cracher toutes mes rancœurs. De côté l'excellence place. À stock les montreurs, des rimes défacent, les cibles s'écrasent et blague le crime fait face. Tes notes sont tombées car on n'a pas le style néfaste. Si t'écoutes, appelle l'escorte, l'ambulance. L'instru va glaner sous poids de ce rap à forte corpulence. Missile, c'est visible, on la kick à long terme. Donc faut l'appeler des coupables pour l'homicide volontaire. Non, et puis si, prenons le terme pour que nos mains soient essuyées. Les indices sont dans le son, écoutez, laisse-nous t'aiguiller lourd. Et la punition, quand nos forces nous unissons, le pic et sa mine redoutable, plus la plume dorme, une ils sont. Conscient de nos actes, on assumera les conséquences. Maintenant à vous de juger ou pas si ce rap est compétent. Prod et c'est la scène de crime, oui, c'est nous les coupables. Non, y'a rien à faire, aussitôt que les coups partent. Ne nous en voulez pas de la manière dont on se comporte. Au rap, c'est pour les nôtres, en fusillant ces quelques notes. Une prod et c'est la scène de crime, oui, c'est nous les coupables. Non, y'a rien à faire, aussitôt que les coups partent. Ne nous en voulez pas de la manière dont on se comporte. Au rap, c'est pour les nôtres, en fusillant ces quelques notes. Pour finir, je vais la mettre en finesse. Comme Francesco Totti, je connais les faiblesses. Alors je sors que des faces prototypes, couper les cotripes. Mon rap prend les tripes, nous on baisse les prods pendant que se branlent les types. Et non, je me tairai pas, même si on me dit riff à terre, rabat, t'envoies le mic. Au démarrage, ça part en dérapage, dur de tourner la page. En plus, quand t'étudies pas, à genoux, je mets les rages, c'est mon taf d'amputer les tibias. Un coup de trop, qui a fait déborder mon encrier. Passe le mic et mate la feuille, tu verras que mon encrier. La plume est noyée dans ses larmes, elle m'a demandé de trier. Les faces d'attaque, car elle sait très bien que la défense, je vais plier sans briller. Je rappe dans l'ombre, car je n'ai pas besoin de t'épiller. Que le sang me soit scié, laisse-moi le sang de l'inciser. Fort, fier, grâce à l'écrit je me libère. Donc tu peux dire que le son a remplacé la scule que dans le lecteur. Prod et c'est la scène de crime, oui, c'est nous les coupables. Non, y'a rien à faire, aussitôt que les coups partent. Ne nous en voulez pas de la manière dont on se comporte. Au rap, c'est pour les nôtres, en fusillant ces quelques notes.